Excellence de Marie et son culte. Par le révérend Père Dominique de la Mère de Dieu, Domenico Barberi, volume 2, 8e instruction, pour la fête de l'expectation de la naissance de Jésus le 18 décembre. Les enfants de Marie liront aussi cette instruction avec fruit le jour de Noël. La terre était aride et desséchée, parce que le ciel se montrait inexorable à son égard, ses fontaines étaient fermées, et il refusait de laisser tomber une goutte d'eau pour soulager les misérables mortels. Ceux-ci, couverts d'une pâleur mortelle, gémissaient en proie à la disette, fruit d'une longue et opiniâtre stérilité. Pas un rayon d'espérance ne venait consoler les infortunés habitants du globe, qui avaient soulevé la colère du Très-Haut par leur prévarication. Cependant le saint prophète Élie, le front courbé jusqu'à terre, adressait au Dieu des miséricordes les plus humbles et les plus touchantes prières, pour exciter enfin sa compassion envers la malheureuse postérité d'Adam. Tandis qu'il se tenait dans cette attitude suppliante, le prophète envoya jusqu'à cette fois son disciple pour observer s'il ne paraissait dans le ciel, devenu d'airain, aucun signe avant-coureur de la pluie. Par 6 fois le disciple alla voir inutilement, mais la 7e fois, il vit s'élever de la mer un nuage, petit à la vérité, et presque imperceptible, il ne dépassait pas la dimension d'un pied, 3 Rois 18, 44. L'envoyé courut aussitôt emporter la nouvelle au prophète. Celui-ci connut que ce nuage, si petit et si insignifiant, était non seulement le présage, mais la cause même d'une pluie prochaine. Calme et rassuré, il se hâta d'en proclamer l'heureuse nouvelle, ajoutant que cette pluie ne serait pas moins féconde qu'abondante. Elle tomba en effet, et la terre échauffée, ouvrant des milliers de bouches pour la recevoir, se désaltéra, et en reçut une fécondité suffisante pour rendre à ses habitants les fruits qu'ils en attendaient avec avidité. Voilà, au dévot de Marie, une figure magnifique de ce que la Sainte Église vous représente en ce jour, et de ce que nous voyons renouveler avec tant d'avantages en notre faveur. Notre malheureuse terre était aussi aride et desséchée, incapable de produire aucun fruit, depuis que la malédiction divine, funeste et faite du péché originel, était tombée sur elle. Elle n'était propre à produire que des ronces et des épines. Ses infortunés habitants gémissaient dans l'affliction, en proie à la famine et à toutes sortes de maux. Les saints patriarches de l'Ancien Testament, courbés sous le poids de tant de misères, sollicitaient du Dieu des miséricordes un secours opportun. Durant les 6 premiers âges, ils observaient si aucun signe dans le ciel ne présageait une pluie prochaine, mais en vain. À l'entrée du 7e et dernier âge du monde, on voit s'élever sur cette mer d'amertume un léger nuage. Il ne semblait rien promettre au regard de celui qui le contemplait d'un œil peu attentif. Mais l'œil prophétique, éclairé d'une lumière divine, considéra ce nuage, gros de la pluie qui devait rendre à la terre sa fécondité primitive. Marie, jeune fille de Sion, parut méprisable aux yeux du juif charnel qui ne daigna pas y faire attention, mais elle n'apparut pas telle au saint prophète, qui, ravi d'admiration en la voyant, s'écria, « Voilà qu'une vierge enfantera un fils, qui sera le véritable Emmanuel, ou le Dieu avec nous. » Tel est en substance l'objet de la fête de l'attente du très heureux enfantement de cette femme extraordinaire. Nous pouvons donc nous livrer à la joie en ce beau jour de fête. Nous pouvons mettre bas les vêtements de deuil, pour revêtir une allégresse nouvelle et sans pareille, puisque bientôt nous verrons notre terre, jusqu'à ce moment aride et stérile. porter enfin son fruit de bénédiction. Tel est le grand événement qu'attend Marie, et auquel elle se prépare, tel doit être aussi l'objet de notre attente et de notre préparation. Mais comment Marie attend-elle ce grand et heureux événement? Comment s'y prépare-t-elle? Elle s'y prépare par une attente pleine de désir, de soumission, et de patience. C'est donc par les désirs, la soumission et la patience, que nous devons nous disposer, de notre côté, et pour tenir compagnie à la Sainte Vierge, et pour jouir du fruit qu'elle va bientôt mettre au monde. Examinons brièvement ces dispositions, pour notre consolation et pour notre instruction. J'ai dit qu'en premier lieu la très sainte Vierge se disposait à l'enfantement divin par un désir vif et ardent de voir au plus tôt le fruit qu'elle tenait renfermé dans ses chastes entrailles, de l'embrasser au plus tôt, de le serrer sur son cœur maternel, de lui rendre le tribut de ses vives et amoureuses adorations. Il me semble l'entendre répéter ces paroles des anciens patriarches. Isaïe 44, 1. Oh, quand les cieux seront-ils ouverts? Quand notre terre verra-t-elle ce visage que les anges brûlent de contempler? Quand se lèvera le brillant soleil de justice, pour dissiper les ténèbres qui couvrent la surface du monde? Quand, ô mon bien-aimé, quand mes yeux vous verront-ils? Job 62, 5. Je vous écoute, je vous entends, mais je ne vous vois pas encore, ô mon unique bien, quand me sera-t-il donné de vous contempler? Quand mes yeux verront-ils vos traits divins? Cantique 8, 1. Qui me donnera, semble répéter cette véritable épouse du divin esprit, si bien dépeinte dans les sacrés cantiques, qui me donnera, ô le bien-aimé de mon cœur, de vous trouver bientôt hors de ce sein où vous êtes renfermé, de vous serrer entre mes bras, et d'imprimer sur votre front d'amoureux basé, Ibidem 7, 8, Passim. Tels furent, je crois, les élans affectueux qui s'élancèrent du cœur maternel et virginal de Marie, mais que dis-je, qui jamais pourrait les rendre, qui pourrait les exprimer, les concevoir ces élans enflammés? Il nous faudrait le cœur même de Marie pour les concevoir, il nous faudrait sa langue pour les exprimer dignement. Mais si nous ne pouvons en faire autant, mon cher frère, efforçons-nous du moins d'imiter la Sainte Vierge, et de concevoir de vives et d'ardents soupirs après la venue de Jésus-Christ. Oh, que ces sentiments amoureux seraient à désirer, qu'ils seraient précieux. Il n'est rien, dirais-je presque, il n'est rien que Jésus souhaitât plus ardemment de nous, que de voir nos cœurs soupirer après sa venue et l'effusion de ses grâces. C'est pour répandre ces grâces divines qu'il vient, mais il cherche des cœurs disposés à les recevoir. Or la disposition la plus excellente, quelle est-elle, selon vous? C'est précisément le désir de recevoir ses grâces, confère saint Thomas. Jésus viendra, et il viendra pour remplir nos trésors, Proverbe 8, 21. Mais comment comprendre cela, me direz-vous? Comment peut-il se faire qu'il remplisse nos trésors, si ce sont des trésors? Ils n'ont plus besoin d'être remplis, s'ils ont besoin d'être remplis, ce ne sont point des trésors, ce sont des coffres, des urnes, mais non des trésors. Il n'en est pourtant pas ainsi, l'Esprit Saint sait bien ce qu'il dit, or il dit qu'il remplira nos trésors, mais quels sont ces trésors? Écoutez Saint Grégoire, ce trésor n'est autre chose que le désir des biens célestes. Le désir n'est pas encore rempli, parce qu'il n'a pas ce à quoi il aspire. Cependant on peut avec grande raison l'appeler un trésor, car vu le penchant et la volonté qu'a Dieu de le combler, il peut très bien être envisagé comme un trésor. Accroissons donc, le plus possible, nos désirs, et nos trésors s'accroîtront en proportion, ils seront d'autant plus vastes que nos désirs de les recevoir seront plus étendus. C'est là ce que Joseph dit à ses officiers. Le Père Céleste semble à son tour adresser à Jésus-Christ ces paroles, « Remplissez leur cœur de grâce céleste autant qu'ils en peuvent contenir. » Genèse 44, 1. Mais Jésus-Christ lui-même ne nous répète-t-il pas constamment, « Dilatez votre bouche, et je la remplirai. » Psaume 80, 11. Élargissons donc nos cœurs et nos désirs, le plus que nous le pouvons. Gardons-nous d'y apporter la moindre restriction. Et quelles seraient ces restrictions? Ce serait en premier lieu tout désir charnel et terrestre que notre cœur nourrit secrètement. La raison en est palpable, si l'on va mettre dans un petit vase quelque chose de vil, comme de la terre ou du fumier, il sera certainement beaucoup moins capable de recevoir les trésors qu'on voudrait y déposer. Il est donc nécessaire de bien purger d'abord notre cœur de toute souillure, dût-elle ne produire d'autre mal, elle causerait au moins celui de diminuer sa capacité pour les biens célestes. Il pourrait se trouver dans nos cœurs une autre restriction, bien qu'on y fasse moins d'attention. Ce serait la prétention que Dieu nous fit toutes les faveurs qui nous plaisent le plus, sans nous mettre en peine de nous accommoder nous-mêmes à sa volonté, nous prétendrions au contraire que la volonté divine s'accommoda à la nôtre. Ô Seigneur, disons-nous, délivrez-nous de ces afflictions, de ces tentations, donnez-moi la ferveur dans la prière et l'oraison, et enlevez-moi l'aridité du cœur, enlevez-moi ces dégoûts que j'éprouve dans l'exercice des plus saintes vertus. Tout cela est bel et bon, mais que nous ferions bien mieux de dire, Seigneur, je suis un pauvre aveugle, je ne sais pas même ce qui m'est avantageux, je suis un enfant sans raison et sans discernement. Je ne puis donc faire autre chose que de m'abandonner entre vos bras amoureux tout comme un petit enfant, afin que vous fassiez de moi ce qu'il vous plaît. Si vous savez qu'il m'est expédient d'être délivré de cette peine que j'endure, délivrez-m'en sinon je suis prêt à la supporter tout le temps de ma vie, pourvu qu'elle ne me porte pas à vous offenser ou à vous causer le moindre déplaisir. Je ne vous demande qu'une seule chose, c'est l'accomplissement total de votre divine volonté sur moi, ne prenez pas garde, Seigneur, à ma volonté, ne consultez que votre très sainte volonté qu'elle seule s'accomplisse, en dépit de tous les sacrifices, de toutes les peines qui peuvent m'en revenir. Je m'abandonne entre vos bras, comme un instrument qui se laisse manier par l'ouvrier, faites de moi, et en moi ce qui vous agrée le plus. Quelle belle disposition pour un cœur, que Jésus y trouve de délices, quelle abondance de grâce et de faveur céleste ne répand-il pas dans les âmes qu'il voit si bien disposées? Tâchons donc, mon cher frère, d'acquérir ces dispositions pour nous préparer à la venue de notre divin Rédempteur. C'est ainsi que Marie se prépara elle-même. Non seulement la Sainte Vierge excita en elle un ardent désir de la venue de Jésus-Christ, mais elle s'y disposa encore par une entière soumission à la volonté de Dieu, prête qu'elle était à exécuter tout ce qu'il lui plairait d'exiger d'elle. La très sainte Vierge nous donne une preuve bien éclatante de cette soumission, dans le voyage de Bethléem qu'elle entreprit par la saison la plus rigoureuse, et pourquoi? Pour obéir à l'ambition romaine, qui l'ordonnait ainsi. Oui, je le répète, pour obéir à l'ambition romaine, mais la très sainte Vierge savait parfaitement reconnaître dans cette volonté frivole des hommes les desseins toujours sages du Seigneur. Elle écouta l'ordre d'Auguste, mais dans cet ordre, elle sut discerner la volonté de Dieu, qui, même en se manifestant par l'organe d'un infidèle, est toujours très juste et très sainte. Or, telle est précisément la soumission qui, comme est la coutume de coûter beaucoup plus à notre amour-propre, est aussi la plus agréable à la Divine Majesté. Il n'est personne parmi nous, je crois, qui voulût refuser de s'assujettir à un précepte divin, ou à des dispositions divines, si Dieu lui-même nous faisait entendre sa voix, ou s'il envoyait un ange pour nous intimer ses ordres. Quelque pénibles qu'ils fussent, on les exécuterait avec facilité, notre amour propre y trouverait une excellente pâture. Et que vous ensemble, quel honneur n'est-ce pas pour moi que d'entendre Dieu lui-même m'adresser la parole, que de voir venir un ange, messager du ciel, me manifester ce que Dieu demande de moi. L'honneur qui me revient d'une telle ambassade compense bien la peine que je dois éprouver à exécuter le commandement. Mais quand Dieu ne nous commande, ni par lui-même, ni par le ministère d'un ange, quand il permet que des hommes, et qui plus est des méchants, nous prescrivent d'un air brusque et hautain une chose déjà pénible et difficile de sa nature, oh alors, notre pauvre amour-propre se voit contraint de faire un grand sacrifice sans aucune satisfaction, et bien souvent il s'irrite et se tord de dépit. Mais comment, à moi, me commander une chose semblable? Mais que prétend-on de moi? Mais c'est une tyrannie, mais c'est trop exigé. Voilà les plaintes et autres semblables que nous faisons entendre, au point que très souvent, soit ennui, soit colère, nous refusons d'obéir, ou si nous obéissons, ne trouvant rien de mieux à faire, ce n'est qu'après bien des murmures. Hélas, cependant si nous avions les dispositions de Marie, il en irait tout autrement. Son œil pur et pénétrant savait bien discerner la volonté première d'où procédait cet édit, émané de la bouche d'un homme, elle y reconnaissait la volonté souveraine de Dieu qui veut que nous soyons soumis et obéissants envers tous nos supérieurs. Toutes les fois que ceux-ci ne nous commandent rien de contraire à la sainte loi de Dieu. C'est de cet œil que Marie vit toutes choses, elle vit que la divine volonté exigeait cela d'elle, et elle ne se mit pas à réfléchir sur les fins qu'Auguste pouvait avoir en portant telle loi, attendu qu'il lui suffisait de savoir que la fin que Dieu avait en vue était juste, était sainte, était digne d'une si grande majesté. Cette pensée fut plus que suffisante pour la déterminer à se mettre en route, malgré les rigueurs de la saison, malgré sa grossesse, malgré les difficultés du voyage, et cela sans perdre un instant, et dans le but d'exécuter ce que Dieu avait daigné lui manifester. Mais n'aurait-elle pas pu attendre qu'elle fût déchargée de son heureux fruit? Il ne fallait plus enfin que quelques jours pour arriver au terme, et pourquoi donc se mettre aussitôt en voyage? Pourquoi, vous demandez le pourquoi à Marie? Pour elle, elle se contente de savoir que Dieu le veut ainsi, et que tout ce que Dieu veut doit être exécuté, non seulement avec soumission, mais encore avec promptitude, et sans le moindre délai volontaire, en sorte que, selon moi, si le commandement d'Auguste fut notifié à la Sainte Vierge sur le déclin du jour, elle n'attendit pas le matin suivant pour entreprendre son voyage, mais qu'elle partit le même soir, la même nuit, précisément comme elle fit lorsque Saint Joseph lui dit que Dieu voulait qu'il partisse pour l'Égypte de nuit. Ô soumission parfaite et merveilleuse de Marie, que vous êtes digne d'être l'objet non seulement de notre admiration, mais surtout de notre imitation, en dépit de toutes les répugnances de l'amour-propre. Gardez-vous de croire que cette obéissance de Marie ait dû lui coûter peu, qu'elle ne lui ait imposé d'autre mortification que celle de la soumission du cœur, ou tout au plus, de l'incommodité du voyage. Il n'en fut certainement pas ainsi. Dieu n'a pas coutume d'être avare de ses afflictions et de ses peines à l'égard des âmes qu'il voit sincèrement disposées à exécuter toutes ses volontés. Il en est prodigue d'ordinaire, et les verse à pleine main, car il sait combien est précieuse la patience d'une âme qui souffre pour lui. Il ne veut donc pas la priver de la couronne qu'elle s'acquiert par ses souffrances. Considéré par conséquent, en dernier lieu, quelles furent les afflictions, quelle fut la patience par laquelle Marie se disposa à la naissance de son cher fils Jésus. Je ne parle pas ici de la fatigue du voyage, doublée par le froid impitoyable d'un hiver rigoureux, et beaucoup plus par la délicatesse de la chaste et tendre vierge, jointe à une grossesse, qui touchait à son terme. Je ne parle pas des privations qu'elle eut à essuyer à raison de l'extrême pauvreté dans laquelle elle se voyait forcée de voyager. Abandonnant toutes ces choses à votre méditation, je vous prie seulement, mon cher frère, de vous transporter un instant dans la cité de David, et de contempler les mauvais traitements que cette illustre fille, dont le grand roi se glorifiait plus que du sceptre d'Israël, est contraint de subir de la part de ses habitants inhumains et barbares. Accompagnée de Saint Joseph, elle parcourt toutes les rues de la ville pour trouver un logement dans une hôtellerie ou une maison quelconque, mais elle a la douleur de se voir rejetée de tout le monde, et de n'être point reçue dans sa propre maison. Ah, que ce rebut universel dut être poignant pour le cœur de Marie, parce que c'était aussi un indice bien manifeste du rebut que Jésus aurait à essuyer, je ne dirai pas seulement de la nation juive, mais encore de nous tous, qui trop souvent, hélas, l'avons banni de notre cœur et lui en avons refusé l'entrée. Chassée par tout le monde, la mère avec son fils se voit contrainte d'aller demander à de vils animaux un asile que des hommes ingrats lui refusent, c'est pourquoi elle se retire, je ne dis pas dans une étable, c'eût été trop encore, mais dans une espèce d'entrou de caverne creusée dans le roc, sur lequel était bâtie la petite cité de David. C'est là, qu'abandonnée de tous, et privée de tout secours, dans le dénuement le plus complet, au milieu des ténèbres, exposée aux rigueurs de l'hiver, aux insultes de l'air et à tous les genres de misère auxquels notre humanité peut être en butte, elle se disposa à passer cette nuit. C'était là le lieu préparé de toute éternité dans les décrets de Dieu, pour être la demeure de la mère, et le premier berceau de son divin fils. C'est donc dans ce lieu que la première elle vit ce soleil de justice se lever, au milieu des ténèbres de la nuit la plus affreuse, pour éclairer et illuminer l'univers par sa clarté divine. C'est là qu'elle l'embrassa la première, c'est là que pour la première fois elle le serra sur son sein virginal, c'est là qu'elle entendit les ineffables vagissements de l'enfant nouveau-né, c'est là que son cœur maternel, ravi dans la plus douce extase, goûta à longs traits les suaves délices de l'incarnation divine. Voilà comment fut récompensée la fidélité que Marie fit éclater par une parfaite préparation de désir, de soumission, et de patience, du désir le plus ardent, d'une soumission sans bornes, d'une patience à l'épreuve des plus cruelles souffrances. Elle tient constamment son enfant entre ses bras, et il me semble la voir désireuse de trouver quelque endroit où elle puisse le déposer, mais elle ne peut trouver aucun lieu plus convenable qu'une ville crèche, c'est là qu'elle le repose, c'est là qu'elle l'adore. Ô Vierge Mère, je prends la hardiesse de vous prier de vouloir bien déposer Jésus dans mon cœur. Mais que fais-je? Ne serait-ce pas là un excès d'arrogance? Quoi? J'aurais le courage de vous adresser cette prière? Mais Jésus voudrait-il venir en moi? Mais pourrait-il y trouver un agréable berceau? À mon cœur n'est qu'une ville étable, remplie d'ordures de toute espèce. Je reprends courage en voyant que Jésus ne refuse pas l'étable où il daigna naître. J'apprends de là que Jésus n'attend pas de nous la pureté parfaite, mais seulement le désir d'être purifié par lui de toutes nos souillures. S'il en est ainsi, j'ose espérer, et de la manière la plus humble, je vous prie, ô tendre mère, de reposer Jésus dans mon cœur. S'il est impur et souillé, Jésus saura bien le purifier, mais il est occupé par d'autres affections. Oui, je le vois et j'en gémis, car je sais que Jésus ne souffre point de rivaux, il veut être seul. Que ferais-je, ô mère chérie? Je m'adresse à vous, je vous prie de chasser de mon cœur tout amour contraire à l'amour que je dois à Jésus. Bannissez-en, je vous en prie, l'amour du siècle, bannissez l'amour désordonné de moi-même, et faites qu'il ne règne plus en moi d'autre amour que l'amour de Jésus. Mon cœur étant disposé de la sorte, Jésus ne dédaignera pas d'y entrer, et de s'y fixer une agréable demeure pour le temps et pour l'éternité. Amen. Markham Dan Archive.org 2023. D'après Books Google et faire licence Creative Commons. Pas d'usage commercial. Partage à l'identique.